Bonjour et bienvenue dans votre magazine scientifique du vent dans les synapses. Comment de l'enchevêtrement de cellules qu'abrite notre boîte crânienne naissent des choses aussi impalpables et abstraites que notre personnalité, nos émotions ou nos rêves? Comment cette masse gélatineuse essentiellement composée d'eau peut-elle enregistrer nos souvenirs? Dans un instant, on s'intéresse au fonctionnement de notre cerveau avec le neurologue Hervé Schneweis. Les vestiges d'une forêt engloutie, vieux de 8000 ans, découverts au large de Palavas et Carnon, dans le Languedoc, et les derniers résultats des études menées en urgence sur le coronavirus du Covid-19, nous en parlerons dans la revue d'actu vers 15h40. En deuxième heure, à 16h, le géologue Abderrazak El Albani nous racontera comment les fossiles vieux de 2,1 milliards d'années qu'il a découverts au Gabon bouleversent le scénario de l'apparition de la vie complexe sur Terre. Et en toute fin d'émission, nous nous intéresserons à une forme de vie actuelle qui n'en finit pas d'étonner les scientifiques, une cellule géante qu'ils ont surnommée le Blob. Voilà pour le sommaire de cette émission, réalisée par David Leprince et préparée par Sophie Vaux, Claire Tesser et Thomas Lehété. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Imaginons un instant à quoi notre vie ressemblerait si nous avions accès à, disons, 20% de notre capacité cérébrale. 100 milliards de neurones par être humain, parmi lesquels seulement 15% sont activés. Il y a plus de connexions dans le corps humain qu'il n'y a d'étoiles dans la galaxie. Nous possédons un réseau d'échanges d'informations gigantesques auxquels nous n'avons presque aucun accès. Mais bien sûr, nous entrons là dans le domaine de la science-fiction et nous ne savons rien de plus qu'un chien qui regarderait la lune. Pas de doute, nous sommes bien dans la science-fiction. Un extrait du film Lucie de Luc Besson. Bonjour Hervé Schneweis. Bonjour. Vous êtes médecin, neurologue à la Pitié-Salpêtrière, chercheur au CNRS et vous venez de publier Notre cerveau, un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions, aux éditions L'Iconoclaste. Alors, dans votre ouvrage, vous évoquez certaines croyances au sujet de notre cerveau, des neuromythes, comme vous les appelez. Parmi eux, il y a celui qui a été repris dans le film de Luc Besson, cette idée que nous n'utilisons que 5% de notre cerveau. C'est faux ? Oui, c'est totalement faux. On utilise en permanence 100% de notre cerveau. Et toutes les cellules sont à un moment ou à un autre sollicitées par différentes de nos activités, mais évidemment on a une modulation de cette activité en fonction de la tâche. C'est d'ailleurs aujourd'hui un champ d'exploration extrêmement important que d'étudier ce que fait le cerveau quand nous ne faisons rien ou quand nous ne pensons à rien. Mais d'où vient cette idée qu'on utilise très peu des cellules de notre cerveau ? Il y a eu des études mal interprétées ? Oui, comme dans la plupart des neuromythes que la quarantaine que je dénonce dans l'ouvrage, il y a toujours au départ des expériences qui ont été faites, par exemple pour ces régions du cerveau, sur des cerveaux animaux, ceux de lapins. Et puis on regarde si il se passe quelque chose. Alors quand on voit qu'il se passe quelque chose, que le lapin ne peut plus bouger une patte ou une oreille, on dit « Ah, cette région sert à quelque chose ». Et quand il ne se passe rien, on dit « Ah, cette partie du cerveau ne sert à rien ». C'était simplement au XIXe siècle que l'on n'avait pas la manière de voir comment fonctionnait cette région du cerveau. Aujourd'hui que nous avons de nombreuses méthodes pour explorer le cerveau et pour le cerveau humain, l'imagerie cérébrale fonctionnelle, nous nous rendons compte que la moindre de nos activités mobilise des dizaines de régions du cerveau qui travaillent ensemble et que tout le cerveau fonctionne en permanence. Toutes les cellules qui composent notre cerveau sont utilisées et elles sont très nombreuses. 200 milliards. Alors, il n'y a pas que des neurones, mais il y a déjà énormément de neurones. Les neurones sont une petite moitié, plutôt dans les 86 milliards, pour être un peu précis. Et puis, les autres cellules, en particulier les cellules gliales, forment le reste, en n'oubliant pas que notre cerveau a besoin d'énormément d'énergie. Donc, dans notre cerveau, on a 100 kilomètres de vaisseaux sanguins. Et puis, on a aussi un système immunitaire particulier et d'autres cellules comme ça. Et toutes ces cellules doivent effectivement collaborer. Et là où le film n'est pas faux, c'est quand il dit qu'il y a plus de connexions que dans la galaxie, effectivement. Que d'étoiles dans la galaxie. Parce qu'effectivement, si on prend les 86 milliards de neurones, chacun de ces neurones peut former 50 000 connexions avec d'autres neurones voisines ou à grande distance. Un neurone de la moelle épinière qui contacte un muscle de la jambe va envoyer une information à un mètre de distance. C'est comme si vous étiez capable de serrer la main d'un de vos amis. Nous, on est ici à Paris et l'ami serait à Orléans. Ouais. Alors, ce qui fait la spécificité de notre cerveau par rapport aux autres cerveaux du règne animal, c'est pas la taille, hein, sinon les baleines seraient bien plus intelligentes que nous. Ou les éléphants. Ce qui est peut-être le cas, hein, certains m'objecteront. Qu'est-ce qui fait la spécificité de notre cerveau? Alors, ce qui fait la spécificité de notre cerveau, c'est son organisation. Parce qu'effectivement, si on commence à réfléchir en termes de chiffres, en termes de nombre de cellules, en termes de taille, choses qui ont été faites depuis le 19e siècle, eh bien, quand on regarde précisément les choses, on est un mammifère comme les autres. C'est-à-dire, on a un cerveau de mammifère. Et à quelques fifrelins près, on est un primate comme les autres ou on est très proche du cheval, par exemple. Après, ce qui fait effectivement la différence, c'est la manière dont ces régions, la coopération entre ces régions et la connexion entre les cellules est organisée, et peut-être également la manière, la vitesse, c'est-à-dire un certain nombre de molécules élémentaires, ce qu'on appelle des canaux ioniques, et qui permettent à l'information de circuler plus ou moins vite. Mmh. On s'est rendu compte que si on prend une cellule gliale humaine et qu'on la compare avec une cellule gliale de souris, par exemple, eh bien, on a une transmission de l'information 4 fois plus rapide. Mmh. Ceci permet évidemment un traitement d'un beaucoup plus grand nombre d'informations, donc probablement l'organisation et certaines propriétés élémentaires font que notre cerveau a effectivement des capacités supérieures à celles de la plupart des animaux connus. Les cellules gliales, ce sont des cellules que l'on trouve dans notre cerveau. Il n'y a pas uniquement des neurones, il y a aussi des cellules gliales. Oui, et je me permets d'en parler beaucoup dans le livre parce que c'est mon domaine d'étude depuis de nombreuses années, et qu'elles sont les grandes méconnues, c'est l'autre moitié du cerveau. Alors à quoi elles servent? Elles servent à tout, et de façon très curieuse, c'est-à-dire depuis la mise en place de l'architecture du cerveau, jusqu'à la manière de façonner les connexions entre chaque neurone, et ensuite de les moduler, et enfin, la plupart des maladies neurologiques sont en fait des maladies gliologiques, y compris des maladies comme la sclérose en plaques, y compris des maladies comme la maladie de Charcot, qui a été longtemps réputée comme la maladie du neurone. Eh bien, on se rend compte aujourd'hui que ce sont des maladies d'abord de la cellule gliale, avant de devenir ensuite une maladie du neurone. Oui, donc on fait bien de s'y intéresser à ces cellules, c'est peut-être par là que viendra la solution et des traitements pour ces maladies neurologiques. C'est une partie de la solution, en tout cas il faut comprendre, parce que, comme je viens de le dire, ces cellules gliales ont un mode de communication qui est plutôt local, alors que le mode de communication des neurones est plutôt à distance. Ces cellules gliales ont un mode de communication très lent, c'est-à-dire que la propagation de l'information d'une cellule à l'autre est dans l'ordre de la seconde, alors que pour les neurones, c'est dans l'ordre de la milliseconde, un millième de seconde. Donc, l'information circule 1000 fois plus vite dans un neurone qu'entre différentes cellules gliales, mais ce qui fait la construction de l'information dans notre cerveau et le traitement de cette information, c'est l'interaction et le travail en commun entre ces deux groupes de cellules. Alors, le cerveau ne correspond qu'à 2% de la masse de notre corps, mais il consomme énormément d'énergie. Un quart de ce que nous mangeons sert à alimenter en énergie notre cerveau. Il fonctionne en permanence, même quand nous avons l'impression de penser à rien. Notre cerveau est très actif. Oui. Très longtemps, on a pensé que dans les enregistrements qu'on faisait, qu'on demandait aux gens de ne rien faire ou de ne penser à rien, on enregistrait quand même quelque chose et on pensait que c'était du bruit qu'il fallait filtrer. Et puis, avec l'amélioration des méthodes d'enregistrement, on s'est rendu compte que certaines régions avaient leur activité qui diminuait quand on passait de rien à une tâche. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont plus actives quand on ne fait rien que quand on fait quelque chose. Alors ça a donné lieu à des analyses et ça a permis de découvrir un réseau qu'on appelle aujourd'hui le réseau mode par défaut. Et le travail de ce réseau est en fait un travail au fond de scénariste, d'élaboration des actions futures. On ne fait rien de précis, mais on est dans une sorte de vigilance floue. Certains ont parlé d'un système sentinelle qui dit « Eh, tiens, s'il se passait ceci dans les secondes ou les minutes qui viennent, comment aurais-je à réagir ou à agir ?» Et donc, c'est ce mode qui prépare, qui anticipe les scénarios du futur. Mais alors, tout ça se fait presque inconsciemment. C'est-à-dire que notre cerveau, à notre insu, en quelque sorte, est en train d'envisager ce qui pourrait se passer, ce qu'il faudrait faire. Vous donnez un exemple très précis, très concret dans votre ouvrage. Vous dites « fermez les yeux et imaginez tout de suite comment vous sortiriez de la pièce si vous deviez en sortir là tout de suite. » Et vous vous rendez compte que sans y avoir prêté attention, vous avez une représentation des lieux, vous savez par où vous passeriez, vous seriez presque capable de sortir les yeux fermés de cette pièce. Donc le cerveau a emmagasiné toutes ces informations sans vraiment que vous y fassiez attention. Et c'est une des caractéristiques de notre cerveau que de fonctionner, alors on va dire 95% de façon inconsciente, c'est-à-dire que notre cerveau traite une masse d'informations qui échappe à la conscience, ne laissant entrer dans le champ de conscience que ce qui demande un ajustement fin ou une évaluation ou un jugement beaucoup plus fin. La plupart des autres choses sont traitées de façon automatique. Alors, il y a quelque chose d'étonnant tout de même, parce que vous affirmez que le fonctionnement par défaut est peut-être la meilleure définition de ce que nous appelons la personnalité. C'est-à-dire que cette chose qui nous échappe, cette perception du monde un peu diffuse, ce serait ça notre personnalité. Alors, avec toutes les réserves et toute la prudence qui est nécessaire, parce que j'essaye de dresser un état de la question, donc on peut grâce aux connaissances en neurosciences, dénoncer un grand nombre de neuromythes, mais au regard des connaissances qui seront acquises d'ici 5 ans, d'ici 20 ans, peut-être que certaines des choses que je dis prêteront à sourire, ou en tout cas à condescendance. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que chacun d'entre nous a un fonctionnement du réseau mode par défaut bien particulier. Si j'enregistre votre fonctionnement du mode par défaut et le mien, et que nous les comparons, nous verrons qu'il y a une différence. Mmh. Et si je compare différentes personnes, nous verrons que chacune d'entre nous a son mode de fonctionnement particulier du réseau mode par défaut. D'autre part, quand on soumet l'individu à un certain nombre de tâches, résoudre un problème mathématique, aligner des cubes, quelques tâches simples, et qu'on enregistre le mode par défaut, eh bien, on se rend compte que au fur et à mesure, en faisant une base de données entre le mode par défaut enregistré et la manière de résoudre les tâches, on peut en arriver à prédire comment une personne résoudra telle ou telle tâche. Est-ce qu'il commencera par aligner les carrés jaunes? Est-ce qu'il commencera par empiler les cubes, etc.? Est-ce qu'il réussira mieux l'addition mathématique ou est-ce qu'il réussira mieux le schéma qu'on lui demande de dessiner? Eh bien, on peut, à partir du fonctionnement de mode par défaut, prédire, avec une bonne chance de succès, comment la personne résoudra le problème ensuite. Et donc, on en arrive non seulement à identifier la personne par son mode par défaut, votre schéma et le mien sont différents, mais on arrive aussi à dire comment probablement vous traiterez un problème ou comment probablement je traiterai un problème. C'est en ça que la personnalité, en tout cas une partie de ce qui fait notre spécificité, se trouve dans ce mode par défaut. Et c'est aussi pour cela qu'il faut une certaine prudence avec tous les dispositifs maintenant d'enregistrement de l'activité cérébrale, tous ces casques qu'on se met sur la tête pour jouer ou pour se relaxer, tout ce qu'on appelle ces neurotechnologies qui, avec notre consentement pour pouvoir s'en servir, enregistrent notre activité cérébrale, mais qui la transmettent à certaines compagnies privées qui, aujourd'hui déjà, et demain encore plus, pourront en déduire un certain nombre d'informations sur notre manière d'exister. Le cerveau est perpétuellement en activité, mais est-il le seul maître à bord? Le cerveau dirige notre corps, ça ne fait aucun doute, mais l'inverse est aussi vrai? Ah oui, le cerveau, c'est un organe, je dirais pas comme les autres, mais un organe parmi les autres. Et le corps influence énormément le cerveau. Le plus simple, je prends cet exemple dans le livre, c'est le taux de sucre que nous avons dans le sang. Oui, il y a une expérience édifiante qui a été menée en 2011. Je vous laisse nous la raconter. Ça se passe dans les tribunaux. On a testé les juges. Racontez. Alors, c'était une équipe de chercheurs israéliens qui s'est posé la question de l'influence que pouvait avoir ce qui se passe dans la journée sur le jugement qu'émettaient des juges. Alors, c'est assez intéressant parce que les jugements sont émis par un groupe de 3 juges et ils ont pris 7 tribunaux répartis sur différents territoires d'Israël et il fallait décider la libération ou non d'un certain nombre de prisonniers. Et l'analyse a été faite sur plusieurs mois. Et la corrélation est extraordinaire entre la sévérité du jugement, c'est-à-dire le fait de remettre ou non en liberté les condamnés, qui ont déjà purgé une partie de leur peine, et l'heure de la matinée, c'est-à-dire que plus on s'éloigne du petit déjeuner et plus les juges maintiennent les prisonniers en prison. Au retour du déjeuner, ils sont de nouveau très cléments, et au fur et à mesure que l'après-midi s'avance, de nouveau, la sévérité augmente. Autrement dit, un juge affamé est un juge sévère. Et certains se sont défendus en disant, oui, mais on garde les cas les plus difficiles pour la fin de la matinée. C'est pour ça que nos jugements sont plus durs à la fin de la matinée. Mais il semblerait que ce ne soit pas ça l'explication. C'est vraiment le taux de glycémie. En fait, quand on a faim, quand on manque de sucre, notre discernement, nos décisions ne sont pas les mêmes. Non, on le voit nous-mêmes si on s'observe un peu, on devient plus irritable, on devient plus impatient. On voit bien que, de ce point de vue-là, notre corps dicte à notre cerveau un certain nombre de comportements. C'est vrai dans d'autres circonstances, la rencontre amoureuse en est une, bien évidemment, la perception artistique en est une autre. Et c'est quelque chose, finalement, de connu depuis assez longtemps. Le fondateur de la neuropsychologie, fin du 19e siècle, William James, disait déjà à l'époque, il ne faut pas dire « je vois l'ours, j'ai peur et je tremble », mais « je vois l'ours, je tremble et j'ai peur ». Et ça a donné ce qu'on appelle la théorie des marqueurs somatiques, en particulier par Antonio Damasio, c'est-à-dire que un grand nombre de perceptions ou de modifications de notre corps vont alerter notre cerveau et le mettre dans un certain état. Et ensuite, la cognition va venir prendre le relais. Alors ça veut dire que je ressens les émotions avant que mon cerveau ne les conceptualise. C'est-à-dire que j'ai peur avant que mon cerveau comprenne pourquoi j'ai peur. Tout à fait. Ça, c'est tout à fait clair que notre système de réaction rapide, c'est notre système émotionnel. Et beaucoup de nos décisions sont prises dans un contexte rapide, impulsif, émotionnel. Et la réflexion, la raison, la mise en œuvre du cortex préfrontal, puisque beaucoup de ces traitements d'informations sont dans le cortex préfrontal, ne vient que secondairement. Et d'ailleurs, l'émotion, la mise en éveil, est nécessaire à l'activation de cette cognition. Donc, il ne faut pas opposer émotion et raison. Sans émotion, il n'y aura jamais de raison. Il faut une action balancée entre les deux systèmes. Comment d'un réseau de cellules naissent nos pensées, nos souvenirs et nos rêves? Nous n'avons pas fini de nous ébouriffer les neurones avec vous, Hervé Schneweis. Du vent dans les synapses, plus que jamais sur France Inter. On a complètement oublié aujourd'hui que le cerveau est de loin la plus importante zone érogène. Quelques chose de fort, quelque chose de fort. Je n'ai décroché pour personne, jamais pour personne. People, I've been sad. C'était Christine and the Queen. France Inter. Contrôlez vos émotions. Du vent dans les synapses. Disciplinez votre esprit. Daniel Fievé. Vous savez, il y a un docteur psychiatre qui s'appelle le docteur Pierre Rumaguera, lequel il a passé 8 ans avec des petits trucs comme ça, magnétophone, pour savoir si j'étais vraiment fou ou non. Et après 8 ans, il a dit que Dali possède le cerveau le mieux organisé qu'il a jamais encore rencontré. Salvador Dali se vantant d'avoir un cerveau particulièrement bien organisé. Le neurologue Hervé Schneweiss en sourit. Il est notre invité. Il publie Notre cerveau, un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions aux éditions L'Iconoclaste. Un livre très joliment illustré avec de superbes photos de cellules cérébrales et aussi tout au long de votre ouvrage des photos de peinture. Alors il n'y a pas de Dali, mais il y a Magritte, Klimt, Bacon, Picasso. Pourquoi avez-vous tenu à jalonner votre ouvrage de ces peintures? D'une part pour le plaisir, et puis aussi parce que bien des fois, une œuvre artistique, en un éclair, c'est le génie de l'artiste, arrive à dire des choses ou arrive à nous communiquer des choses que même un très très long discours n'arrive pas à communiquer. Et c'est toujours intéressant d'essayer d'expliquer quelque chose au stade où on comprend les choses, et puis en même temps de voir que des artistes ont pu avoir la fulgurance de nous transmettre le même message, probablement avec un autre type de connaissance et un autre type de compréhension. Quand vous dites que notre cerveau fonctionne en humanisant le monde, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que nous injectons de l'humain dans tout. L'exemple que je prends, c'est ce petit film d'animation qui est un film expérimental qui date des années 40, dans lequel on voit des figures géométriques, deux triangles et un petit cercle entrer et sortir d'une sorte de boîte. Et puis une expérience a été faite en Pennsylvanie dans le milieu des années 2000. On présente à des gens comme vous et moi ce film et on leur demande qu'est-ce qu'ils ont vu. Et chacun d'entre nous va plaquer sur ces images en noir et blanc et géométriques une histoire très riche d'un méchant grand triangle qui essaye d'emprisonner un petit cercle et puis il y a un courageux petit triangle qui vient s'interposer et qui gagne à la fin puisque le petit cercle arrive à s'échapper. Si on demande à des gens qui ont une lésion d'une région du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qu'est-ce qu'ils voient? Eh bien, ils décrivent des figures géométriques qui entrent et qui sortent d'une sorte de boîte. Ça illustre parfaitement le fait que quand nous voyons le monde, quand nous percevons le monde, notre cerveau y ajoute toute une narration, tout un ensemble de valeurs qui sont totalement ajoutées au monde extérieur, qui sont probablement les bases de la pensée magique. Donc, notre cerveau passe son temps comme ça, depuis le plus élémentaire jusqu'au plus sophistiqué, à inventer le monde. Ouais. Par exemple, quand on regarde devant soi, si nous étions un taureau, nous aurions un trou au milieu du champ visuel, parce que le nerf optique émerge à un endroit, et donc la rétine qui perçoit l'image, à un moment, il y a un trou dans cette image. Nous voyons une image complète parce que nos yeux balayent la scène devant nous en permanence. Mais notre cerveau réinterprète ce balayage, non pas comme une image qui serait en train de bouger, ça c'est les vertiges, mais comme une image fixe et une image complète. Donc on voit bien que depuis le plus élémentaire, ce que nous voyons devant nous, jusqu'au plus compliqué, nous réinventons le monde et nous y mettons de l'humain. Et comment notre cerveau stocke-t-il les souvenirs? Vous abordez aussi cette question. On est surpris parfois par la puissance avec laquelle un souvenir peut nous revenir, des choses que l'on n'avait pas conscience d'avoir quelque part dans notre tête et qui nous reviennent subitement. Proust l'a merveilleusement décrit, un texte sur le souvenir qui appartient à notre mémoire collective. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, quoique je ne susse pas encore et dusse remettre à bien plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux, aussitôt, la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre, fin comme un décor de théâtre s'appliquait au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières, ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-là, et avec la maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la place où on m'envoyait avant déjeuner, les rues où j'allais faire des courses, les chemins qu'on prenait si le temps était beau. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau, de petits morceaux de papier jusque-là indistincts qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables, de même, maintenant, toutes les fleurs de notre jardin et celles du parc de Monsieur Swann et les nymphéas de Vivonne et les bonnes gens du village et leur petit logis et l'église et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité est sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. Extrait du côté de chez Swann de Marcel Proust, lu par André Dussolier. Vous avez d'ailleurs repris un extrait de ce texte, vous aussi, dans votre ouvrage, Hervé Schneweiss. Il illustre parfaitement bien ce mystère de la mémoire. Comment ces souvenirs sont-ils stockés dans ce réseau de cellules? Comment réémergent-ils à la surface? Ça reste le grand mystère et ça fait partie de ce... je ne sais pas, 90%, 95% des neurosciences qui sont encore à comprendre, ça reste parfaitement mystérieux, de la même façon que reste mystérieux le fait d'entendre la voix d'André Dussolier et d'être bouleversé par cette capacité d'évocation, même si vous ne savez pas ce que c'est que Cambrai, même si vous avez quand même des images qui vous viennent, vous avez quand même des souvenirs, et même si vous n'avez jamais eu de tante qui vous a trempé une madeleine dans un thé pour vous la faire goûter, vous y ajoutez vos propres images. Toujours pareil, on se reconstruit des histoires autour de ce que l'on nous dit. Vous le dites d'ailleurs sur les enfants, quand on leur raconte une histoire, ils sont très actifs, hein, ils imaginent des tas de choses autour de ce qu'on leur raconte. Exactement, et plus on adhère à une histoire, et plus on comprend une histoire, et plus son propre cerveau invente l'histoire. Ça fait partie des mécanismes par lesquels nous nous projetons, nous anticipons, nous avançons dans l'histoire, et les enfants avancent dans l'histoire. Alors, il faut être modeste. Aujourd'hui, les neurosciences en sont à constater. Nous travaillons sur un certain nombre de troubles de la mémoire. Nous nous rendons compte de la complexité des choses parce que nous n'avons pas une mémoire, nous avons des mémoires. Un des mérites de ce passage de Proust, c'est aussi de nous montrer à quel point les images, les odeurs, les sons, le moment... l'émotion, non seulement de l'attente, mais l'émotion de la famille, l'émotion du jardin, les couleurs des fleurs. Donc, c'est une parfaite illustration de ce que nous disions au début de l'émission sur le fait que tout le cerveau travaille. Voyez à quel point les multiples régions du cerveau qui sont impliquées dans le traitement de ces images, de ces sons, de ces datations viennent se conjuguer pour donner cette richesse du souvenir. En fait, ce qui reste totalement mystérieux, c'est comment de ces cellules, cette masse graisseuse, parce que c'est beaucoup de lipides, un cerveau et beaucoup d'eau aussi, ce support très concret, comment de ce support très concret émergent des choses aussi abstraites qu'une pensée, une émotion, un souvenir? Comment tout ça se matérialise dans notre cerveau? Alors, je serais bien prétentieux de vouloir vous dire que nous le savons. Nous commençons à en approcher quelques bribes. Et ces quelques bribes nous amènent aussi à essayer de penser différemment. C'est là où, par exemple, l'art vient encore à notre soutien, à notre rencontre. Je cite un passage dans le livre d'Italo Calvino, « Dans les villes invisibles », où il y a le grand Khan, Kublai, qui pose à Marco Polo la question de « Regarde ce pont, laquelle des pierres est-elle la plus importante pour tenir le pont ?» Et Marco Polo lui dit « Mais aucune, c'est l'arc que forment ces pierres entre elles qui permet le pont. » Et Kubilai Khan reste silencieux, puis il reprend et dit « Mais alors pourquoi me parles-tu des pierres? Seul l'arc m'intéresse. » Et Polo lui répond « Oui, mais sans pierre, il ne peut pas y avoir d'arc. » Alors, pour reprendre ce que vous disiez, évidemment, sans les cellules, les neurones, les cellules gliales, il ne peut pas y avoir de traitement de l'information. Mais ça ne suffit pas. Ce qui fait l'information, c'est l'interaction, la communication, le flux qui passe entre ces cellules et le réseau qui se forme entre ces cellules. Une fois qu'on a dit ça, on a dit beaucoup parce qu'on est capable d'enregistrer un certain nombre de choses et on n'a rien dit parce que si on le sait que pour mettre en mémoire certaines régions de notre cerveau, en particulier une qui s'appelle l'hippocampe, est absolument nécessaire. Si nous savons qu'un souvenir récent est plutôt localisé dans l'hippocampe, mais plus il s'éloigne, plus il est diffus dans notre cerveau, et c'est pour ça que les personnes âgées même, ou les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer, ont une plus grande précision sur des souvenirs anciens que sur des souvenirs plus récents, qu'elles oublient complètement parfois, eh bien, ceci n'est que le début de notre compréhension de ces mécanismes qui créent les réseaux et qui permettent non seulement leur création à un instant T, mais leur pérennisation. Je peux vous citer 7 mots, vous allez les retenir pendant une minute et demie. Et puis, pour certaines de nos actions ou certaines de nos mémoires, par exemple, André Dusselier lisant un texte ou une pièce de théâtre, ça va pouvoir rester pendant des semaines, voire des mois, voire pendant toute la vie. Tout cela, nous ne le savons pas encore et il faut avoir l'humilité de le reconnaître. Mais un souvenir qui perdure, c'est un souvenir que l'on reconstruit en permanence, qui se transforme. Parfois, on s'en rend compte entre amis ou en famille, quand on évoque un souvenir passé, plus personne n'a la même version de ce même souvenir. Comme si chacun d'entre nous, on l'avait fait maturer et on en avait fait, là encore, quelque chose qui nous est propre, mais qui a plus grand-chose à voir avec la réalité. Il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est ce qui s'est passé au début. Et pour qu'il y ait mise en souvenir, il faut qu'il y ait l'émotion. Plus il y a d'émotion, plus il y aura de souvenirs, jusque même au stress post-traumatique quand c'est vraiment trop émotionnel. Et l'autre élément, c'est effectivement la remémoration. Ça, c'est par exemple très important pour l'apprentissage. Il vaut mieux des séances d'apprentissage courtes et renouvelées régulièrement, plutôt que des séances d'apprentissage longues et un bachotage de dernière minute. Donc il faut régulièrement entretenir un souvenir, sinon il est perdu. Le sommeil aussi a un rôle important, fondateur dans notre capacité à mémoriser. Essentiel à la consolidation de ce qu'on a appris dans les 24 heures qui ont précédé. Et puis, de façon surprenante et encore pas très bien compris, 5 ou 6 jours plus tard, de nouveau une espèce de réévaluation, reconsolidation, c'est pendant le sommeil qu'on élimine ou pendant le sommeil qu'on consolide un souvenir de ce qui a été fait dans la journée. Et les rêves, à quoi servent-ils? Les rêves, comment notre cerveau fonctionne-t-il, travaille-t-il pendant que nous rêvons? Encore un des grands mystères est loin d'être percé. Nous avons des rêves. Nous sommes capables de les raconter, mais si on prend l'activité de notre cerveau et que l'on la compare avec l'activité d'autres animaux, nous voyons que tous les animaux rêvent. Tous les animaux dorment, tous les animaux rêvent. L'autre élément commun à tous les animaux, c'est que le sommeil est vital. Priver un animal de sommeil, vous le tuerez. Priver un homme de rêve, vous le réveillez à chaque fois qu'il entre dans une phase de sommeil qu'on appelle le sommeil paradoxal, vous allez le rendre fou. Donc tout le monde rêve. Même ceux qui disent qu'ils ne rêvent pas, en fait, ils ne s'en souviennent pas, mais tout le monde rêve, hein, puisqu'on devient fou si on ne rêve pas. Chacun d'entre nous rêve, et le rêve est une fonction essentielle au cerveau. Une fois qu'on a dit ça, pourquoi ce besoin absolu de sommeil observé chez tous les animaux, pourquoi ce besoin absolu de rêve observé évidemment chez l'homme mais aussi chez les animaux, ça reste un grand mystère. Il y a encore énormément de choses à comprendre sur notre cerveau. Est-ce que l'on peut, en regardant l'activité électrique d'un cerveau, savoir à quoi rêve une personne? Ah, ça fait partie des choses qui commencent un peu à émerger. Effectivement, certaines régions de notre cerveau sont impliquées dans différents traitements de l'information. Aujourd'hui, avec des algorithmes très puissants, on commence à essayer de reconstituer des images mentales à partir de l'activité cérébrale. Et il y a quelques expériences un peu troublantes qui suggèrent qu'on serait capable, effectivement... Vous y allez prudemment, hein? Oui, c'est une nécessité parce que, vous savez, trop souvent en science, on a eu un raisonnement simpliste et on n'a pas vu assez la complexité des choses. Trop souvent, à partir de quelques expériences préliminaires, on a tiré des conclusions trop hâtives. Donc, la prudence, elle est nécessaire parce que simplement on est conscient de notre ignorance. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même reconnaître qu'il y a quelques expériences troublantes, là encore, qui nous incitent à bien protéger le caractère privé de notre activité mentale. Merci Hervé Schneweis. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Notre cerveau, un voyage scientifique et artistique des cellules aux émotions, aux éditions L'Iconoclaste. Merci et à bientôt. Nous avions programmé cette émission à l'occasion de la semaine du cerveau qui devait débuter lundi en raison des mesures prises pour freiner l'épidémie de Covid-19. Tous les événements ont été annulés. Certains seront reprogrammés ultérieurement. Ça ne nous a pas empêché de parler du cerveau avec vous. À 16h, nous nous intéressons aux origines de la vie sur Terre avec le géologue Abderrazak El Albani. Et dans un instant, eh bien, ce sera la revue d'actu avec notamment au sommaire les vestiges d'une forêt engloutie au large de Palavas et les derniers résultats des recherches menées en urgence sur le coronavirus. C'était Bittersweet, Liane Lavas. France Inter. C'est drôle, vous n'avez rien d'un scientifique. Pourquoi? Vous les trouvez plus raides? Du vent dans les synapses. Vous faites plutôt présentateur de show télévisé. Autour de la table, Carole Châtelain de Science et Avenir et Sophie Bécherel de France Inter. Bonjour et bienvenue à toutes les deux. Bonjour Daniel. Bonjour à toutes et à tous. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. Quoi qu'il en coûte. Extrait de l'allocution du président de la République qui a eu lieu jeudi dernier. Sophie Bécherel, pourquoi se propage-t-il si vite ce virus? Eh bien, d'après les premières études génétiques et structurales, on commence à comprendre pourquoi ce virus se propage plus vite que le SRAS et pourquoi il a déjà contaminé 10 fois plus de personnes. Dans une étude publiée cette semaine dans Nature, des chercheurs chinois dévoilent en effet la présence d'une protéine pointue qui permet au virus de s'accrocher à un récepteur de la membrane des cellules hôtes et cela de façon efficace. La protéine en question est dotée d'un site activé par la furine, une enzyme, dont les chercheurs précisent qu'elle se trouve dans de nombreux tissus humains, les poumons, mais aussi le foie et l'intestin grêle. Donc potentiellement, le virus pourrait s'attaquer à plusieurs autres organes que les poumons. Cette découverte pourrait notamment expliquer que certains malades ont présenté une insuffisance hépatique. Pour les patients les plus gravement atteints, que sait-on de l'évolution de la maladie et sur le pronostic? Alors là encore, les informations sous forme d'études publiées dans les revues scientifiques viennent de Chine. Vous savez que c'est là où il y a le plus de cas et bien sûr le plus de recul. On le redit, quand une maladie de ce type débarque, quand un virus émergent arrive, tout le monde est potentiellement touché. Chez 80% des personnes, ce sera léger, on va rester à la maison. Chez 13,8%, c'est sévère, il faudra être hospitalisé. Et chez 4,7% des personnes infectées, c'est critique et il va falloir passer par le service des soins intensifs. Ces chiffres sont fournis sur la base d'une étude qui a concerné 45 000 Chinois malades. Alors, chez ces 4,7% de cas critiques, le malade va développer un syndrome de détresse respiratoire aiguë qui va nécessiter la réanimation et en gros l'oxygénation forcée des poumons. Selon une étude parue dans JAMA, sur les patients chinois qui ont eu besoin de soins intensifs, il s'est en moyenne passé 10 jours entre les premiers symptômes, quand ils avaient attrapé le virus, et le passage en réanimation, lequel, on sait, va durer 2 semaines, donc une occupation des lits plus longue que pour la grippe saisonnière, par exemple, et c'est ça le problème auquel sont confrontés les pays atteints et la France en ce moment, le risque d'engorgement. Quant au pronostic? Très variable, sans qu'on comprenne encore pourquoi. Mais comme pour la grippe, des personnes jeunes peuvent donc se trouver avec un pronostic défavorable. Et souvent, on cherche à se rassurer en se disant, ce sont les personnes qui présentent une comorbidité, c'est-à-dire un diabète, une maladie cardiaque. Ça rassure ceux qui n'ont pas de diabète ou ce type de pathologie. Tout à fait, mais qui sont assez âgés, qui sont les premières victimes. Mais en fait, non, on sait désormais qu'il y a des jeunes patients qui devront passer en soins intensifs, minoritaires certes, mais il y en aura comme pour toute maladie. D'où la nécessité de respecter la distanciation sociale, c'est comme ça que parlent les chercheurs. Depuis une semaine, l'étude parue dans The Lancet insiste là-dessus, il n'y a pas de traitement possible, vous savez bien, pas de vaccin, pas d'antiviraux. La seule défense finalement, c'est de limiter la propagation. Si ensuite le taux de contamination arrive en dessous de 1, et bien là, l'épidémie va s'arrêter. Donc, pour limiter cette contamination, il n'y a qu'une seule chose, et aussi parce qu'on sait qu'en étant porteur sain, on peut transmettre le virus, on limite les contacts, on prend ses distances, 1 mètre minimum. C'est simple, mais ça marche. Limiter les contacts, si on parvient par exemple à baisser d'un quart le nombre de contaminations et qu'on baisse de 40% les déplacements, une étude a montré qu'on retardait par là même le pic de l'épidémie de 14 semaines. À quoi ça sert de déplacer le pic de l'épidémie? Il faut étaler le nombre de personnes qu'on va recevoir dans les hôpitaux. Si on engorge tout à coup avec un grand nombre de personnes qui ont besoin de beaucoup de personnel médical et beaucoup de structures, et notamment les services de réanimation, on n'arrivera pas à toutes les traiter. On va devoir faire un tri et en défavoriser certaines. D'où la stratégie prise par la France d'étaler finalement le nombre de malades. Alors vous disiez, on n'a pas encore de traitement. Carole, on y travaille quand même. Des essais cliniques ont été lancés. Oui, c'est une annonce qui a été faite par le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur cette semaine. Il y a le lancement au niveau européen d'un essai clinique qui va porter sur 3200 personnes qui sont touchées par la forme sévère de la maladie, dont 800 patients en France. Et alors, en quoi va consister cet essai? On va tester sur ces personnes 4 traitements. Et on rappelle qu'il n'y a pas actuellement de traitement efficace, donc ça va être des essais. On va essayer des médicaments qu'on connaît déjà, notamment des antiviraux qui sont connus, comme le remdesivir qui a servi pour essayer de juguler l'épidémie d'Ebola, Caletra, qui est également utilisé contre le VIH. Donc, on va aussi associer ces antiviraux entre eux et regarder ce que ça donne. Il y a aussi un essai, mais il n'est pas inclus dans cet essai clinique qui va commencer sur la chloroquine qui est utilisée dans le paludisme. Et puis, il y a 20 projets de recherche également au niveau européen qui vont être lancés et dirigés, coordonnés par l'INSERM. Il faut rappeler qu'il y a une structure qui a été créée pour ça après les épidémies de chikungunya et de Zika que nous avions connues. Bon, donc, le travail continue et tout ça est doté. Alors, peut-être on peut discuter du montant de la dotation. Mais de 8 millions d'euros pour la France et de 4 millions d'euros pour l'Europe. C'est pas assez, Sophie Bécherel, cette dotation? Oui, alors bon, ça ne fait, c'est qu'une partie, on va dire, des financements. Il faut savoir qu'il y a pas mal de fondations, des prêts également. Il y a beaucoup d'argent globalement qui est mis. Mais c'est vrai que l'effort français, si on le compare à d'autres pays européens ou d'autres structures internationales, reste limité. Mais vous savez quelle est la situation de la recherche en ce moment en France. Et puis alors, aux États-Unis, ça se passe pas forcément mieux. Des scientifiques, en tout cas, tirent à boulets rouges sur Trump dans le journal Science. Oui, en fait, ils ont publié une tribune, faites-nous une faveur. En fait, c'est en réponse à la phrase du président américain qui avait lancé faites-moi une faveur, accélérez le rythme, accélérez le rythme. C'est ce qu'il demandait aux biologistes en leur demandant de mettre au point un vaccin. Donc, cette demande n'a pas plu au rédacteur en chef de la revue parce qu'il faut se souvenir que le président américain prétendait il y a peu encore que le vaccin causait l'autisme. On connaît ses positions de climato-sceptique et puis, sur certaines thématiques, il n'a pas hésité à faire des coupes budgétaire. Donc, pour lui répondre, Holden Thorpe, l'éditeur en chef de la revue Science, lui dit « Vous ne pouvez pas insulter la science quand elle ne vous plaît pas et ensuite insister soudainement pour qu'elle donne ce qu'elle ne peut pas donner sur demande. Le temps de la recherche n'est pas celui d'un claquement de doigts et voilà, de l'exigence du président américain, fut-il celui de la première puissance mondiale. Donc, l'édito, faites-nous une faveur, monsieur le président, si vous voulez quelque chose, commencez à traiter la science et ses principes avec respect. » Pas dit que ça le fasse réfléchir, mais on ne sait jamais. Carole, vous nous emmenez faire une petite plongée, ça va nous changer les idées au large du littoral languedocien pour une découverte rarissime. Oui, pour découvrir une forêt engloutie, ou du moins ce qu'il en reste, évidemment, puisqu'elle a 8000 ans. Attention, il ne s'agit pas de troncs roulés par la houle, ce sont des vraies souches encore bien implantées avec leur système racinaire. Et la découverte a été faite par une équipe du groupement de recherche archéologique du littoral languedocien, le Graal. Les chercheurs ont pu même en déterminer l'essence, c'est-à-dire qu'on sait que c'est des chênes caducifoliés qui poussaient donc au large de Palavas et de Carnon il y a 8000 ans, et c'est excessivement rare puisqu'il n'y a que deux autres exemples de forêts noyées qui sont connues dans le monde. Il y en a une qui a 50 000 ans et qui est au large de la côte est de l'Alabama aux États-Unis, qui a été révélée par l'ouragan Katrina en 2005, et puis il y en a une autre au Pays de Galles qui a été mise au jour par une tempête en 2014 et qui est âgée de 10 000 ans. Quelles informations peuvent apporter ces troncs fossilisés? Elles donnent de précieuses indications sur la localisation de ce qu'on appelle le trait de côte, c'est-à-dire l'endroit où, sur le littoral où se situait la côte lors de cette période géologique des derniers 10 000 ans qu'on appelle l'Holocène. Et donc, à l'époque, l'océan était 10 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Donc, ce trait de côte se situait à 1 km au large de la côte actuelle. Et puis, cette découverte, elle a une autre conséquence, c'est qu'elle a permis aux chercheurs d'éclaircir un mystère. Il y avait depuis un certain nombre d'années des tessons de céramique qui étaient recueillis au bord du littoral languedocien, et ils émanent en fait d'une culture méditerranéenne qui est dite cardiale, du nom du coquillage qui servait à la réaliser. Et donc, désormais, les chercheurs peuvent dire que ces poteries en fait ont été faites par ces populations qui habitaient sur ce littoral, sur cette lagune en fait, qui ressemblait aux lagunes qu'on trouve encore aujourd'hui dans l'Hérault. Sophie, on a appris cette semaine le report de la mission européenne ExoMars qui devait décoller cet été. Oui, une demi-surprise pour les spécialistes. Depuis des mois, les équipes scientifiques impliquées dans ce robot martien retenaient leur souffle. Elles attendaient de savoir si elles auraient le feu vert donné par l'Agence spatiale européenne et Roscosmos, puisque cette mission est réalisée en partenariat avec les Russes. En fait, des problèmes non résolus de déploiement de parachutes sont à l'origine de la décision du report. Se poser sur Mars, vous savez, ça n'est pas facile. L'atmosphère est ténue. On arrive à tout toute vitesse, puis au dernier moment, il faut vraiment donner un gros coup sur le frein pour ne pas s'écraser. On utilise pour ça des rétrofusées et des parachutes. Et dans le cas d'ExoMars, les parachutes ont eu un problème lors des tests de l'an passé. Une autre salve de tests était prévue fin mars, mais en gros, trop tard pour permettre de tenir le calendrier et de partir le 25 juillet. Alors quand même, cette mission ExoMars, elle a pas de chance. Décidée en 96, elle devait se faire avec la NASA. La NASA a lâché l'Europe. Du coup, il y a eu des reports. On en est au sixième report. Maintenant, c'est 2022, le créneau. On se consolera en rappelant qu'avec Super Chemcam, cet été, le super laser du CNRS sur la mission américaine Persévérance de la NASA. Donc l'Europe sera quand même un peu sur Mars cet été. Carole, à défaut d'aller sur Mars, vous nous emmenez encore plus loin sur une exoplanète, l'exoplanète WASP 76b, où il pleut du fer. Oui, c'est une exoplanète qui est située hors de notre système solaire, à 600 années-lumière de la Terre, dans la constellation des Poissons. Et elle a été scrutée par un spectrographe de dernière génération qui est installé sur le Very Large Telescope au Chili, qui est cet extraordinaire télescope de l'Observatoire européen austral. Mmh. Et sur cette planète, on a découvert qu'il fait si chaud sur sa face éclairée, la face éclairée par l'étoile de cette exoplanète. Il y fait 2400 degrés en journée, donc vraiment... ça brûle. Ça brûle. Ouais, et au point que les atomes de fer qui sont contenus dans cette exoplanète sont vaporisés et ils sont emportés par des vents de 18 000 km/h. Et quand ils arrivent sur la face non éclairée de cette exoplanète, où il fait froid, eh ben ils refroidissent brutalement et ils tombent sous forme de pluie de fer. Mmh. On pourrait dire même qu'il pleut des hallebardes donc sur cette exoplanète. Sacré météo sur WASP 76b. Au sommaire du dernier Science et Avenir, Carole. Les recherches qui sont menées actuellement, ils sont tout à fait sérieuses pour essayer de ralentir notre vieillissement. Il ne s'agit pas de remèdes miracles, mais de vraies recherches qui aboutiront sans doute d'ici quelques années et qui nous promettent de très belles surprises. Merci Carole Châtelain et Sophie Bécherel, et à très bientôt. En deuxième heure, nous allons nous intéresser aux origines de la vie sur Terre avec le géologue Abderrazak El Albani. Avec ses collègues, il a découvert au Gabon des fossiles vieux de 2,1 milliards d'années qui bouleversent totalement ce que l'on pensait savoir au sujet de l'apparition de la vie complexe sur notre planète. Il va nous raconter cette aventure scientifique passionnante. We're caught in a trap. I can't walk out. Because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Say hello. Would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears are real, I'm crying. C'était Suspicious Minds sur France Inter de Elvis Presley. Et merci à Nicolas Delmas et Michel Bézikian qui nous accompagnent à la technique. Juste après le flash, les origines de la vie sur Terre. À tout de suite.